ce que je veux faire, c'est vous montrer un peu une partie de la recherche que je fais il y a... j'ai commencé il y a 10 ans, et que j'ai presque fini il y a 2-3 ans. Donc, j'ai publié plusieurs choses, il y a un bouquin là qui est en train de passer par là. Et donc, je veux montrer un peu la partie la plus concrète de terrain que j'ai vu, et un peu pour voir la discussion qu'on peut attirer de là. Je veux seulement donc montrer plusieurs photos, plusieurs cartes comme ça. On n'a pas beaucoup, on n'a pas rien d'internet, mais je pense qu'il y a une partie que ça a marché. L'autre part, mais ça, c'est pas très grave. Un peu, ma recherche, c'était autour de... Je commençais la recherche avec la question de essayer de voir comment est-ce que c'était l'expérience religieuse dans un petit quartier au Mexique. C'était un quartier populaire, un quartier de la partie sud de la ville de Mexico, et qui c'était un quartier de 2 km², donc plus ou moins petit, avec 30 000 personnes. Donc voilà, et c'était un quartier, c'était pas un quartier de beaucoup de temps, il avait seulement 50 années d'histoire. Parce que vous voyez comme ici qu'il y a des quartiers qui sont quand même des siècles. Là, c'est quelque chose plutôt qui a à voir avec la migration de dernières décennies dans la ville de Mexico. Donc un peu, la question c'était ça, c'était faire une étude exploratoire, pas exploratoire, mais comprendre un peu comment est-ce que c'était la question religieuse, surtout les groupes religieux, et les dispositions des gens, comment est-ce qu'on faisait le sens religieux. Et ce que je me suis trouvé, et la partie que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est là une autre question qui a surgi pendant que je faisais la recherche, que c'était finalement comment est-ce que le croyant s'expresse, comment est-ce que s'expresse finalement la question religieuse dans la ville et dans la rue, dans cette rue, dans ce petit quartier. Quelles sont les expressions, les différentes formes d'expression qu'on pouvait voir de la question religieuse dans ce petit quartier, et quelles étaient un peu finalement certaines interactions, etc. J'étais avec un peu la théorie bourdieusienne, avec la question du chien, de Saint-Jean dans le chien, etc. Et un peu avec aussi la partie, cette partie de territoire de religion dans la ville, de la partie de Jean-Rémy et tout ça, que d'ailleurs, entre parenthèses, il vient de mourir il y a 3 jours, Jean-Rémy, je ne sais pas si vous... Ah bon ? Oui, donc voilà, petit hommage à Jean-Rémy Lemaître. Bon, avec cette type de point de repère théorique, bon, j'étais là. Qu'est-ce que je me suis retrouvé avec ? Donc la question c'était de voir comment est-ce que s'expresse la question religieuse dans la rue. Je me suis retrouvé avec trois formes d'expression que je vais vous montrer. D'abord, la partie très institutionnelle, très claire, et tout cela c'était partie d'une observation très scénographique. J'ai fait d'ailleurs d'autres choses, j'ai fait, si vous voyez le bouquin, une enquête plus ou moins grande, j'ai fait plusieurs entrevues, etc. Mais cette partie-là c'était plutôt très scénographique, je marchais en fait par toute la rue comme ça, une par autre, et je faisais une photo un peu partout, et normalement je commençais à faire géolocalisation. Voilà. Donc maintenant c'est très facile avec Google qu'on le met comme ça, mais à l'époque c'était pas si facile que ça, c'est il y a 10 ans, donc c'était un peu plus compliqué. Alors ce que je commençais à faire, c'est voir qu'est-ce que je voyais et essayer de le mettre dans un petit quartier, dans un petit tableau. Alors d'abord je me suis rencontré avec la question institutionnelle, de cette expression et institutionnelle. Et c'était intéressant, là je ne vais pas vous montrer parce que là je n'ai pas internet, mais on voyait que dans la partie institutionnelle, il avait dans ces 2 km² d'abord les expressions catholiques et très traditionnelles, mais dans la question catholique on voyait déjà 3 tensions de différentes orientations, même dans le niveau catholique. On avait la question catholique plus conservateur, plus formelle. On avait la question catholique et très à gauche de la théologie de la libération, donc avec une partie de gens de la théologie de la libération, de autres références. Et il avait un espace que c'était de la religion populaire et que c'était vraiment une petite église qui marchait avec tout ce que ça, c'est la religiosité populaire. Donc il avait quand même déjà une tension qui était tout à fait intéressante, qui était là dans la partie du catholicisme. Je me suis retrouvé aussi avec deux protestantismes. Des protestantismes, il y avait le méthodisme, l'anglican, et qui, bon, il y avait une petite église, une petite maison, chaque église là. Et il avait le pentecôtisme. Et le pentecôtisme, c'était intéressant. Là, je ne peux pas vous montrer non plus, mais c'était un peu comme ça dans le petit quartier. Et parce que, comme toute l'expression pentecôtiste, il n'avait pas un patron tout à fait stable. Il avait différents. Donc, il avait quelques-uns qui étaient un peu plus formels, un peu plus grands. Il avait d'autres qui étaient, peut-être après, je peux vous montrer quelques photos, seulement dans un garage. Donc, dans le garage, il s'est passé tout dans le garage. Donc, c'était vraiment une expression différente. Et aussi, je me suis retrouvé avec ce qu'en Mexique, on a appelé le biblique non évangélique, donc ça veut dire le mormon, et le témoin de Jéhovah. Vous voyez que, normalement, l'architecture de mormon, de témoin de Jéhovah, c'est après toujours pareil partout. Donc, on voyait que dans le quartier populaire, dans lequel on peut voir vraiment des expressions de ce que c'est un quartier populaire au Mexique, et il était... Encastré là, comme ça, une architecture absolument différente et qu'il est tout à fait d'accord à l'architecture mondiale de ce type d'église. Bon, voilà du côté plutôt institutionnel. C'était ça ce qu'il y avait. Chacun, c'était tout à fait complexe parce que la différence entre un et l'autre et l'offre religieuse et l'offre sociale finalement qu'il avait dans chacun, c'était différent. Une petite parenthèse, par exemple, dans le cadre de l'église de la théologie de la libération, il avait de l'église, le service religieux, mais aussi il avait de cours pour danser, et aussi de la médecine homéopathique, etc. Donc c'était vraiment une offre, elle n'était pas seulement religieuse, mais il avait un peu partout. Donc voilà un peu le panorama du côté institutionnel. Donc comment, la question c'est finalement, comment est-ce que la partie institutionnelle prend la place dans l'espace public? Donc il le prend avec toute la force, toute la formalité institutionnelle, soit d'une façon de la façon catholique, qu'on la connaît bien, ou de la façon pentecôtiste, ou soit de la façon protestante, etc. Mais on voit que c'est vraiment une façon très institutionnelle de prendre la place dans le côté, dans l'espace public. Mais la partie la plus intéressante, parce que jusque-là, c'était intéressant, mais la partie la plus intéressante, c'est de voir finalement l'initiative des croyants. Donc, comment est-ce que le croyant prend la rue à partir de sa propre expérience religieuse? Qu'est-ce qu'ils font le croyant là-dedans, dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut voir? Et là, je me suis retrouvé avec trois choses que je vais vous montrer. D'abord, une partie que je n'ai pas pu voir beaucoup, seulement un peu, c'est la partie des hôtels intimes, des hôtels personnels. Donc ça, c'est une espèce de géographie personnelle, intime de l'expérience religieuse. Je n'ai pas eu beaucoup de données, seulement de données quantitatives. Là, je suis que dans le qualitatif, disons, et quantitatif. Dans l'enquête, ils m'ont dit que 81% de gens, ils sont un hôtel à la maison, dans un hôtel privé. Et normalement, l'hôtel, c'est dédié à la Vierge de Guadalupe. Là, j'ai une photo, par exemple, dans laquelle on peut voir... On peut voir ici l'hôtel, et bon voilà la madame, et l'hôtel, vous voyez, il est à côté de la télé, à côté de plein de choses. Ça c'est la photo du papa qui est mort, donc c'est vraiment, ce type d'hôtel, il y en a vraiment partout. Donc j'ai pas fait le travail de regarder ce qui se passe là-dedans, mais c'est vraiment une piste très forte de comment est-ce que ce type d'hôtel, c'est... Bon, ça c'est une partie, on dirait, et dans une division de la participation fixe de croyants, une première partie de la division fixe, c'est l'hôtel privé. Mais il y a d'autres expressions qui sont intéressantes. Une, c'est le graffiti dans la rue. Une des expressions de graffiti dans la rue, là je me suis retrouvé par exemple avec c'est pas un graffiti, mais quand même c'est une expression de l'église de la... Là, on est un peu plus tôt dans ce registre. Là, on est beaucoup plus dans la partie graffiti. Et voilà. Donc, ça, c'était une autre partie, une autre façon de... Mais, et ce que je trouvais le plus intéressant de tout, c'était de voir que, finalement, je voyais dans chaque rue que je passais là, je voyais beaucoup de hôtels publics, et mais privés à la fois. De petits hôtels, c'était dans la rue, et qu'il y a plein d'histoires, plein de choses autour de ce petit hôtel. Là, j'espère que là, je peux pouvoir vous montrer ça. Là, par exemple, ici c'est le quartier. Et ce qu'on voit, et on ne sait pas voir l'autre, mais quand on voit seulement le centre de culte officiel, on voit au total, entre catholiques et pentecôtistes, on voit au total 15. Là, quand on voit les expressions des hôtels populaires, qui sont une initiative de gens, pas une initiative institutionnelle, vous voyez qu'ils sont partout dans le quartier. Et de quoi s'agit-il exactement? Bon, s'agit-il finalement de différents types de petits hôtels dans lesquels normalement il y a une vierge, parfois il y a un saint, mais normalement c'est la vierge de Guadalupe. Et avec chaque... Ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec chaque... Maintenant, on peut voir seulement comme ça, on ne voit pas le dynamisme qu'il y a derrière. Mais avec chaque... Je n'ai pas fait le travail de chacun, parce que c'est énorme, mais je fais des quelques-unes. Et on peut voir, il y a par exemple une petite hôtel là, dans lequel le jour de la fête de la Vierge Maria, de la Vierge de Guadalupe, le 12 de décembre, c'est vraiment la fête impressionnante. Donc c'est une fête dans laquelle on prend des taureaux et on fait vraiment un rodéo. Et alors on prend le taureau, on prend le mariachi, de la musique, on boit beaucoup jusqu'à la journée d'après. Donc vous voyez, c'est, là on voit seulement ça. Mais la vie qu'il y a derrière cette petite expression, c'est formidable. Et en plus, il y a la question, c'est bien sûr, comment est-ce que ça surgit, qui est le responsable, comment est-ce que ça marche. Enfin, là, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas entrer dans le détail, mais finalement, vous voyez que c'est vraiment l'expression la plus forte dans la partie, pas dynamique, dans la partie statique, qui est l'initiative de croyants, c'est vraiment la partie la plus forte dans ce type de quartier. Là, on peut se prétenir en regardant plusieurs photos. Chacun, c'est différent. Voilà, bon, voilà. Donc, l'autre partie, c'est de voir la partie plutôt dynamique. Donc, si là, c'est une façon de prendre la rue d'une manière statique, c'est-à-dire il reste là, il y a des moments dans lesquels les images... Ils ne vont pas rester là, mais ils vont voyager d'un côté à un autre. Donc, mais pas tous, mais ça dépend, parce qu'il y a quelques-unes, je vais expliquer un petit peu ça. Donc, de la partie dynamique, il y a différents vies des images qu'ils font de trajectoires différentes. Et notamment, moi, j'ai identifié trois formes de ce type d'expression religieuse. Une, c'est des images qui ils habitent, disons, dans l'église. Et donc, ils ont presque toute l'année dans l'église. Et qu'ils sortent seulement dans les jours de la fête. Et dans les jours de la fête, ils vont et ils font un petit tour dans le quartier. Il y a d'autres types d'images qu'ils sont une partie de l'année dans l'église et une autre partie de l'année avec une organisation responsable de cette image. Et aussi, le moment qu'ils ne sont pas dans l'église, ils font le petit tour un peu partout. Et il y a des images qui sont seulement personnelles et qu'ils dépendent de ce que la personne veut faire avec cette image. Donc il prend l'image et il fait l'image, bon, demain il part comme ça avec le copain, demain l'image il va aller chez toi. Ah oui, c'est parfait. Donc, il y a toute une fête pour recevoir l'image, une fête, toute une fête, une réunion, et pour recevoir l'image, il reste 3 jours, et après ça, l'image va à une autre, comme ça, etc. Là, je vais vous montrer seulement aussi une partie, j'espère que ça va passer. Par exemple, ça, c'est une image de Cristo Rey, dans laquelle on peut voir ici un petit peu la procession de deux petites semaines. Donc on voit comment est-ce que ça vient d'une maison, ça passe pour l'autre, ça reste dans l'autre, ça fait un petit peu tout le tour, et finalement il arrive à l'église. Et chaque fois qu'il arrive dans une maison, c'est la fête, c'est la réception, on doit faire manger, on prie ensemble, etc. Je n'ai pas pu faire un travail. Ah, là, je vois. Tu veux pas la connexion de Julie? Non, ça va. Non. Ça va. Ça, mais en tout cas, ici, quand on regarde un peu d'un autre, quand on a de Rousseau, c'est impressionnant parce que là, on voit, ici, on voit seulement un. Mais une fois qu'on voit seulement une observation que je fais de 5 ou 6 images qui sont faites un peu le tour, on voit comment est-ce qu'une vient par ici, l'autre par ici, l'autre par là, l'autre par là. Donc on voit vraiment comment est-ce que le petit quartier, il devient vraiment quelque chose vraiment très, très très très fort au niveau de comment est-ce que chaque image prend la rue et comment est-ce que chaque image fait un tour avec une participation tout à fait intéressante. Vraiment. Et ça, on peut l'avoir graphiquement quand on voit un peu le programme avec l'Internet. Voilà. Voilà, ça c'est donc l'autre, la partie plutôt du dynamisme. Bien sûr que la fête là, elle est au cœur de tout ça. La troisième partie, la troisième façon de regarder un peu ça, c'était de voir un petit peu, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'observation d'un hôtel spécial, je vais vous expliquer maintenant, que pendant presque 10 ans. Et alors, à ce moment-là, je pus voir finalement l'évolution pendant 10 ans, c'est-à-dire comment est-ce que dans le temps va changer la façon de gérer une partie qu'on dit que va être religieuse et qu'après on va voir que ça devient. Donc, quand j'étais là dans la recherche, je marchais un peu partout les rues, j'entrais, je sortais un peu partout, et du coup je me trouve avec un peu par ici, quelque chose par là, il est là dans le programme, mais bon, ça on ne le voit pas, et je me trouve un peu par ici, avec une... au début je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais finalement je vis que c'était une hôtel. Mais c'était une pierre. Attends, je vais vous montrer. Quand j'ai commencé la recherche, donc là, dans le 2008, il y a déjà 11 ans, je me trouve avec ça. Donc je marchais, je me trouve avec ça. Et c'est quelque chose... Et avec beaucoup de images, avec beaucoup de détails, quelque chose de très très riche, très intéressant, avec beaucoup de travail de gens, avec une attention très importante. Là, il y a la Vierge de Guadeloupe. Et là, et beaucoup de images et qui sont toujours des images de la religiosité populaire. Donc ça c'est le 2008. Donc une fois que je me suis retrouvé là, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé là, comment est-ce que ça devient, et je commençais à essayer de voir un peu, de faire un petit peu une petite recherche historique. Et je rencontrais deux photos d'un type qui avait pris des photos deux ans avant, de 2006, 2005, quelque chose comme ça, je ne sais pas, c'est une photo plutôt artistique, disons, donc ce ne sont pas des photos sociologiques, donc voilà pourquoi il y a un monsieur là que je n'ai pas, moi en tout cas, j'aurais pris la photo soit avant, soit après, mais vous pourrez voir qu'ici, il y a déjà là, et image dans la ville de Guadeloupe, et ici, il y a déjà une attention à l'image. Donc, il y a des gens, il y a des fleurs, et bon, il y a déjà un travail autour de la pierre. Et ça, il y a déjà tout un travail aussi qui sont faits. Donc, deux ans après, je me retrouve qu'il y a eu une réunion avec les gens, qu'ils sont faits de cette petite peigne, de cette pierre, ils sont faits là, ça. Alors, ils m'ont raconté après quelques gens qui ont participé, qu'ils se sont réunis et ils ont fait chacun avec un groupe de gens qui faisaient le graffiti et chacun une de l'image. Ils sont demandé à des gens qui sont plutôt des artisans. Des artisans, des artistes. Hein? Pour faire ce type de construction, parce que c'est très professionnel, il faut le faire avec attention. Et finalement, ils ont réussi à avoir vraiment une très belle espace religieux. Après, ce que je trouvais tout à fait intéressant, c'est que une fois que je faisais la recherche, je me trouve avec l'intervention de l'autorité publique. Donc, il vient, l'autorité publique, ça c'était, la première photo c'est de 2008, et après, dans le 2011, il vient l'autorité publique, et ils font de ça ce qu'on appelle maintenant le monument à la pierre. Donc c'est le monument à la pierre, quelque chose de très civique, qui devient ça. Donc, et ça c'est intéressant parce que, vous voyez, ils sont faits une intervention. Donc ici c'est intéressant parce que vient l'autorité il fait et d'abord tout ça tout propre, ils font tout ça en noir comme ça, il reste là la partie de l'église et la partie de la croix là. Après, on me dit que pourquoi ils ne sont pas, je vais vous raconter un peu l'histoire de pourquoi ils sont, quelle tension il avait là derrière, mais évidemment l'autorité, il a dit, je préfère de rester le symbole religieux là, même si ça c'est finalement un symbole absolument laïque, parce que c'est un monument à la pierre, que c'est pour les habitants, que ici on fait une graffiti, c'est une graffiti avec aérosol, mais c'est bien sûr avec des gens plutôt professionnels qui font un beau dessin. Voilà. Et après ça, je suis venu voir, de faire des entretiens et de continuer à voir comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé après, et je me suis rendu compte à la fin, il y a quelques semaines avant de venir, qu'est-ce que ça a devenu tout ça. Et vous voyez comment est-ce que après qu'il a participé à l'autorité, c'est que c'était l'espace religieux, il a devenu finalement une basura, comment est-ce qu'on dit ça, un lieu de déchets pour une décharge. Voilà. Et à la fin, le dernier, vous voyez que le graffiti, c'était très beau comme ça, voilà, il finit par là. Et la dernière photo, Ça a été cassé. Ça a été, oui. Et ça, c'est l'année passée avant de venir ici. Ça, c'est surprenant. Donc, ici, je commençais à voir. Toujours l'idée de comment est-ce que la question religieuse prend place dans l'espace public. Et alors là, c'est que c'était intéressant, une fois que j'ai commencé à faire la recherche, ce qui s'est passé là, j'ai vu que dans la population, il y avait une tension absolument intéressante dans le cas mexicain, que c'est d'une partie l'expression de la religiosité populaire, que tout ce qu'on a vu avant, c'était finalement des expressions de la religiosité populaire dans lesquelles les gens il prend à partir de sa propre volonté et de cet espace, et il commence à faire dans n'importe quel espace un espace religieux, et à partir de là il devient eux le propriétaire de cet espace et le responsable de cet espace. Et donc là, il y a une participation peut-être très importante, et tous les jours, ils sont là, etc. Et donc, il y avait une tension, il y avait une partie, et l'histoire de ça, c'est ça, une partie de gens qui étaient là. Mais d'un autre côté, il y avait une autre matrice, disons, de culturelle, qui était là présent, d'un type, d'un monsieur, qui était un habitant de là, qu'il voulait, et il avait une vision absolument laïque, et qu'il voulait avoir un monument pour honorer pour les habitants qui sont là depuis longtemps et qui ont eu vraiment de problèmes pour arriver à être là. Parce que c'est un quartier que les gens ils sont habités, il n'avait que de pierre, c'était très difficile. Donc lui, il était un homme plutôt âgé. Il disait, bah, écoute, moi je veux bien un monument pour que le jeune sache que quand nous on est arrivé ici, il n'avait que de pierre et maintenant il est un quartier. Donc je veux que l'État il fait une reconnaissance de nous en tant que de voisins, qu'on a fait avec notre main, avec notre temps, le quartier. Et lui, il était absolument laïque, il était lié à la question politique. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été facile l'intervention de l'autorité. L'autorité au Mexique, pour que participe, pour qu'il aille là. Et c'est beaucoup de temps, c'est vraiment très difficile, c'est pas du tout évident. Donc, ça, il a été, pendant 15 ans, il a demandé, il a sollicité, est-ce que pourrez-vous venir, est-ce que pourrez-vous faire l'intervention, est-ce que pourrez-vous faire le monument. 15 ans après, ils sont arrivés et ils sont faits là. Et ils ont fait une combinaison très bizarre, avec des expressions religieuses dans la partie, mais autour, avec des expressions tout à fait laïques. Et finalement, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que cet espace, qui était l'espace très propre, très avec beaucoup d'attention de la partie des gens, une fois qu'il est venu l'autorité, même s'il n'a pas venu tout seul, il est venu en cause d'une personne qui l'a demandé sa présence, finalement, lui, et après ça, l'espace, il a devenu encore un lieu de chaises. Donc, cette troisième partie, donc, c'est ce qui m'a donné un peu comme réflexion, c'était de voir comment est-ce que les espaces, c'est un peu évident, mais c'était tout à fait intéressant de le regarder comme ça sur place, comment est-ce que le espace qui surgit d'une initiative populaire, ils ont vraiment besoin de que les gens ils sont qu'ils participent, ils doivent être involucrés, on dit impliqués. Ils doivent être très impliqués dans le et ça peut très changer beaucoup avec le temps. C'est vraiment quelque chose de très très très dynamique. Donc il y a vraiment la vie et la mort de cette image et de cette image dans l'espace public. Un peu mes conclusions autour de tout cela, de ce parti, c'était de voir d'abord comment est-ce que il y a d'un côté une signification officielle de l'espace public et du côté religieux, qu'il est plutôt de la part des institutions, et comment est-ce que ça, il est en tension, parfois en coordination, dans une coordination, mais parfois d'autres, avec les initiatives de gens qui jouent avec une résignification du territoire. Donc on peut faire une nouvelle géographie religieuse tout à fait différente, qu'il n'a pas à voir nécessairement avec les instructions institutionnelles, mais surtout avec le besoin de croyants. Bien sûr qu'on peut voir la vitalité de la question religieuse dans l'espace public, et une diversité forte, mais la diversité religieuse qu'on peut avoir surtout dans les expressions plutôt institutionnelles, dans le cas de la partie des initiatives de Croyon, on voit plutôt que la diversité se joue dans le parapluie que c'est la religiosité populaire. Donc, dans la religiosité populaire, on peut voir différentes expressions, mais on ne voit pas beaucoup des autres expressions et de cette même façon et dans la rue. C'est-à-dire, on ne voit pas beaucoup de... Bon, le pentecôtisme, il a sa propre manière à voir, mais ça ne marche pas comme ça, etc. Il y a quelques films qui sont transgressés intéressants, que je ne veux pas montrer, mais que c'est la Santa Muerte, la Sainte Morte, ou la Santeria, ce type de culte qui vient de l'Afrique, de Cuba, et qui au Mexique, ils sont devenus plus ou moins importants. Et là, il y a certaines communications, des communications spéciales. Mais finalement, la diversité se joue autour, surtout, de ça. Et finalement, on peut voir que la tension entre on peut voir une tension entre l'autorité et la façon de gérer la question religieuse de l'espace public à partir de l'autorité. Et qu'il y a beaucoup d'absence finalement. Il n'y a pas vraiment une participation très, très, très importante là-dedans, que c'est différent de ce qui se passe normalement en Europe, je sais pas, dans notre contexte. Et les croyants finalement qui font un peu ce qu'ils veulent, ils font partie, ils s'approprient de la question de l'espace public. Et finalement, quelque chose aussi que c'est, avec ça je finis, quelque chose que j'ai trouvé, et à mon avis très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, c'était le rôle de, je vais montrer ici pendant que seulement quelques images qu'on peut voir. Ce que je trouvais tout à fait intéressant, c'est comment est-ce que les trois espaces, et l'espace officiel, l'espace institutionnel, l'espace privé, intime, et l'espace de l'art, quelle est la vinculation entre les trois espaces? La vinculation, finalement, ça passe à partir des images que dans la fête, ils se retrouvent, ils se rencontrent. Donc on peut voir un peu partout que le moment de la fête, c'est le moment dans lequel le croyant prend son image, soit l'image qu'il est dans l'hôtel intime, dans l'hôtel personnel, parfois soit l'image qu'il est dans l'hôtel de la rue. Les églises, ils sortent les images. Et il y a dans la fête une rencontre de ces images dans laquelle on peut vraiment avoir une circulation, une connaissance, une interaction et des croyants, des images et de trois espaces, le grand espace institutionnel, l'espace de la rue et l'espace privé autour de la pratique religieuse des croyants. Voilà, c'est ça.